caleo, pa jamais essayer qui t'aime qu'un béo. Chérie, si son ami quoi conseille, ami si la parole est méo. Moi qui t'en couche, pas ton prince, soit t'es riche, chaque mélodie danse, c'est le moins qu'un beau quand même. Moi pensais pour me prendre au courrier, macho, la qu'un bébé, si m'te paye, faut sur ta capité.